الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Toujours dans le livre de la zakat, tiré du livre Al-Wajiz fi fiqh al-sunnah wal kitab al-aziz. Lors du dernier cours, on s'était arrêté à quel endroit? La zakat des chameaux. Non. Taïb. Ce qu'on avait vu le cours dernier, on avait commencé déjà par parler de la zakat des cultures. Qu'est-ce qu'on avait dit sur la quantité à donner en zakat concernant les cultures? Ceux qui connaissent la réponse, ils lèvent son doigt, bien sûr. On avait dit qu'il y avait une différence pour les cultures qui étaient arrosées et celles qui puisaient qui puisaient l'eau soit de l'eau de la pluie ou bien d'une rivière à proximité ou bien alors des cultures ou des arbres qui ont des racines peu profondes qui leur suffisent de se nourrir sans pour autant être arrosés. Pour ceux les cultures qu'on n'a pas besoin d'arroser, qui sont arrosées par l'eau de la pluie ou des rivières environnantes. Combien devons-nous donner de zakat? 10%. Combien? 10%. 10%, al-ushr. Et les cultures que l'on a arrosées, nous-mêmes, qu'on a pris la peine d'arroser, la zakat est de 5%. Et de 5%. Nisfu al-ushr, la moitié du dixième, autrement un vingtième. Vous suivez ou pas? T'as le nisab pour les cultures, c'est combien? C'est quoi le nisab? C'est au moment de la... Le nisab, qu'est-ce que le nisab? C'est le seuil. Le seuil pour les cultures est de combien? 612 kilos. Combien? 612 kilos. 612 kilos, ahsant. C'est 612 kilos. On avait fait les calculs donnant les détails de 612 kilos. C'est combien? Khamsat awsuq. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit wa fi khamsati awsuqin sadaqa. Et al-awsuq, c'est combien? Al-wasaq. Awsuq, c'est le pluriel de wasaq. Et le wasaq, c'est combien de sa'? 300. Combien de sa'? 300 sa'. Non. Un wasaq, c'est 60 sa'. C'est 60 sa'a. Et un sa'a, c'est combien? 4 mout. Et un mout, c'est combien? Taïb, un sa'a, c'est combien en kilos? On avait donné la quantité exacte en kilos d'un sa'a. Un sa'a, c'est 2040 grammes. Sachant qu'un wasaq, ça fait 60 sa'a. Donc, 5 aousuq. Ça fait combien de sa'a? Ça fait 300 sa'a. Donc, pour connaître le nisab des cultures, c'est 300 fois 2040, qui fait 612. Vous suivez ou vous ne suivez pas? Non, c'est un... Taïb. Donc, pour la zakat des cultures qui sont arrosées par l'eau de la pluie ou d'une rivière, la zakat, la quantité à sortir est de 1 dixième de ce que tu as, à condition que ce que tu as comme récolte est supérieur à 612 kilos. Et lorsque tu l'arroses toi-même, tu dois donner 5%, ou autrement dit, 1/20 de ta récolte. Ensuite, on avait parlé de l'kharz. Qu'est-ce que l'kharz? Qu'est-ce que la traduction de l'kharz? L'estimation. On avait dit qu'il était autorisé d'estimer la zakat avant même que la récolte ait eu lieu. Et qu'il est autorisé à l'État musulman d'envoyer des personnes pour estimer la zakat des gens en regardant leurs palmiers ou leurs vignes, etc. On avait cité les hadiths à ce sujet. Ensuite, on a parlé, troisièmement, de la troisième sorte de zakat. Donc, la première sorte de zakat, c'est la zakat. La première. Sur l'or et l'argent. La deuxième catégorie de biens sur lequel il y a de la zakat, ce sont les récoltes, les cultures, selon les détails qu'on avait donnés, bien sûr. Et les troisièmes biens sur lesquels également il y a zakat, ce sont les bestiaux, qui comprennent les ovins et les bovins, et entrent également dedans les chameaux. Donc on avait parlé de la zakat des chameaux. La zakat des chameaux. Quel est le nisab pour que la personne doit sortir la zakat sur les chameaux? Combien, au minimum, de chameaux doit-il avoir en sa possession? 5. 5 chameaux. En dessous de 5, est-ce qu'il lui est obligatoire de donner la zakat? Non. S'il désire, est-ce qu'il a le droit de donner ou pas? Celui qui a 4 chameaux et qui veut donner de la zakat sur ces 4, est-ce que c'est obligatoire ou pas? Non. Mais s'il veut faire une chose préférable? Il a le droit, bien sûr. Car dans le hadith, le prophète a dit « Illa an yasha'a rabbuha » Sauf si son propriétaire le désire. Lorsqu'il en a 4, en dessous de 5, il a le droit de donner la zakat s'il le désire. Comment priver quelqu'un qui veut faire un bien? Pourquoi le priver? D'accord. Donc ensuite, on avait expliqué, ou commencé à expliquer, le hadith de Anas ibn Malik radiallahu anhu. Lorsqu'il a été envoyé à Bahreïn par Abu Bakr radiallahu anhu, qui était le calife à l'époque, et Abu Bakr radiallahu anhu a écrit les détails de la zakat, et l'a écrit, bien sûr, en concordance avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lui-même a reçu ses obligations et ses commandements de qui? D'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, concernant la zakat du chameau, le minimum, le nisab, est de 5. Le prophète Sansam a dit, celui qui en a 24, puis en descendant, c'est-à-dire de 5, entre 5 et 24, combien doit-il donner? Il doit donner Une brebis pour combien de chameaux? Entre 5 et 25, il doit donner combien de brebis? Pour chaque 5 chameaux, il doit donner une brebis. Donc s'il en a 5, il donne une brebis. S'il en a 10, il en donne 2. S'il en a 15, s'il en a 20, 4. Et s'il en a 25, 5. C'est ça, hein? 25, c'est 5. C'est sûr? Non? C'est de 5 à 24. Arrivé à 25, là, c'est une autre zakat à donner. D'accord? Et entre 5 et 10, celui qui en a 7, il donne une brebis ou deux? Une seule. Car ce qui est compris entre 5 et 10, tu en donnes une. Tout ce qui est compris entre 10 et 15, tu en donnes deux. Tout ce qui est compris entre 15 et 20, tu en donnes 3. Et entre 20 et 25, tu en donnes 4. Le 25 compris ou non compris? Non compris. Ensuite, lorsque la personne en a 25, Jusqu'à 35. Jusqu'à 34. On n'est pas au juste prix, les frères, là. c'est un nombre que le professeur Assalam a donné. La zakat du chameau, c'est entre 25 et 35. Entre 25 et 35, ça doit être une certitude. D'accord ? Entre 25 et 35, qu'est-ce que le musulman doit donner comme zakat ? Une chamelle de 1 an, qui est appelée en arabe Bintu Mahad. D'accord ? Ensuite, entre 36 et 45. Et 45, qu'est-ce qu'il doit donner comme zakat ? Une chamelle de 2 ans. Une chamelle de 2 ans. Bintu Laboun. Et s'il veut donner un chameau de 2 ans, il a le droit ou pas ? Bien sûr. Il a le droit, bien sûr. Le prophète Sallam a dit Bintu Laboun, a dit une chamelle de 2 ans. Il n'a pas dit un chameau de 2 ans. Donc il n'a pas le droit de donner un chameau de 2 ans. Le prophète Sallam a dit une chamelle. Et une chamelle de 2 ans est plus chère et plus précieuse qu'un chameau de 2 ans. D'accord ? Donc le prophète sallam a dit Bintu Laboun. Donc une chamelle. Tu ne dois pas donner de chameau. Tu dois donner une chamelle. Donc entre 35 et. Entre 36, Afwan, et 45, on doit donner une chamelle de 2 ans. Ensuite, entre 46 et. Et combien ? Et 60. Ahsan. Entre 46 et 60 chamelles, qu'est-ce qu'on doit donner comme zakat ? Une chamelle de 3 ans, qui est appelée en arabe ? Qui est appelée en arabe ? Hitqa. Al-Hitqa. Ensuite, entre 61 et 75, on doit donner une chamelle de 4 ans, qui est appelée en arabe Al-Jaz'a. Ensuite, entre 76 et 90, qu'est-ce qu'on doit donner ? J'étais là au cours d'année ou pas ? Deux chamelles de 2 ans, Binta Laboun. Et entre 91 et 120, qu'est-ce qu'on doit donner ? Ahsan, hiqqatani. Hiqqatani, qui sont deux chamelles de 3 ans. Puis, à partir de 121 et en montant, qu'est-ce qu'on doit donner comme zakat ? Pour chaque quarantaine, tu donnes une chamelle de 3 ans. Pour chaque quarantaine, tu dois donner une chamelle de 3 ans. Fi kulli arba'in Bintu Laboun. Et Bintu Laboun, c'est une chamelle de 2 ans. Wa fi kulli khamsin hiqqa. Et pour chaque cinquantaine, donner une hiqqa, qui est une chamelle de 3 ans. Puis le professeur Hassan a dit dans le hadith, wa man lam yakun ma'ahu illa arba'u min al-ibil. Et celui qui n'a que 4 chamelles, il n'a pas de zakat à donner. فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا. Sauf si son propriétaire le désire. فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا مِنَ الْإِبِلِ فَفِيهَا شَاتْ. Et lorsqu'il atteint 5 chamelles en sa possession, il doit leur donner une brebis en zakat. Et quelle est la règle lorsque la personne a plus de 100 de 120 chamelles, lorsque pour chaque quarantaine il doit donner une chamelle de 2 ans et pour chaque cinquantaine une chamelle de 3 ans, quelle est la règle qu'on avait donnée? Lorsque dans ces calculs il y a au minimum un écart de 10, c'est qu'il s'est trompé dans son calcul. Celui qui a 130 chamelles, d'accord ? Et qui donne combien ? 130 chamelles. Et qui donne 3 chamelles de 2 ans. Il y a un problème. trois chamelles de 2 ans. On a dit qu'une chamelle de 2 ans doit être donnée pour chaque quarantaine. Donc 3 fois 40, ça fait 120. Mais il en a 130. Il en reste donc 10. Et à partir du moment où il y a un écart de 10 ou plus, c'est qu'il a mal fait son partage entre les quarantaines et les cinquantaines. Et au lieu de faire 3 fois 40, il aurait dû faire 2 fois 40 et 1 fois 50, qui font 80 plus 50, donc 130. Et là, il a donné ses zakats pour l'ensemble de ses chamelles. C'est clair ou pas ? طيب. يقول المؤلف من لزمته سن وليست عنده. L'auteur dit ensuite le chapitre de celui qui doit donner une chamelle d'un âge bien précis, mais qu'il n'a pas en sa possession. Mais qu'il n'a pas en sa possession. عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من بلغت عنده من الإبل صدقة الجدعة وليست عنده جدعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجدعة فإنه تقبل منه الجدعة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطي شاتين أو 20 درهما ومن بلغت صدقته بنت لبون وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه بنت مخاض ويعطي معها 20 درهما أو شاتين. حديث صحيح رواه أبو داود البخاري والنسائي وابن ماجه. Donc celui qui doit donner une chamelle d'un âge bien précis, mais qu'il ne l'a pas en sa possession, que doit-il faire ? La réponse est dans le livre qu'a écrit, ou la lettre qu'a écrit Abu Bakr radiallahu anhu à Anas ibn Malik radiallahu anhu, où il écrit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man balagat indahu min al-ibili sadaqatul jad'ah, wa laysat indahu jad'ah, wa indahu hiqqah » فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما. Celui qui doit donner en zakat une chamelle appelée al-jad'a, qui est la chamelle de 4 ans, qui est la chamelle de 4 ans, mais qui n'a pas de jad'a, qui n'a pas de chamelle âgé de 4 ans en sa possession. Wa indahu hiqqa, mais qui a une hiqqa. La hiqqa qui est âgée de 3 ans. Fa innaha tuqbalu minhu al-hiqqa. La chamelle de 3 ans est acceptée de lui. Wa yaj'al ma'aha shatayn in istaysarata lah. Et il doit ajouter en plus 2 brebis, si cela est possible pour lui, ou bien alors 20 dirhams. Ou bien alors 20 dirhams. Taïb, celui qui doit donner en zakat une chamelle de 4 ans, c'est-à-dire qu'il a combien de chameaux en sa possession ? 61 et 75. Entre 61 et 75, mais il n'a en sa possession qu'une chamelle de 3 ans, c'est-à-dire une chamelle que normalement il devrait donner s'il avait entre 46 et 60. Est-ce qu'on accepte de lui ? Oui. Qui doit accepter de lui ? Celui que l'État musulman envoie pour aller récupérer les zakats. Il accepte de lui cette chamelle de 3 ans, mais en compensation, il doit rajouter, il a le choix entre rajouter 2 brebis ou bien alors 20 dirhams. 20 dirhams islamiques. 20 dirhams islamiques. Et on avait dit que 200 dirhams islamiques correspondent à combien de grammes d'argent ? 595. Donc, 20 dirhams, ça correspond à combien de grammes d'argent? 59,5. Donc pour savoir l'équivalent en euros, vous regardez l'équivalent, ou combien valent 59,5 grammes d'argent. طيب ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة وعنده الجذعة فإنه تقبل منه الجذعة. Et celui qui doit donner en aumône une chamelle de 3 ans, al-hiqqa, mais qui n'a pas de chamelle de 3 ans en sa possession. Par contre, وعنده الجذعة, il a une chamelle de 4 ans. Il a une chamelle de 4 ans. فَإِنَّهُ تُقْبَلُ مِنْهُ الْجَدْعَ. Cette chamelle de 4 ans, est-ce qu'elle est acceptée de lui ou pas? Oui, elle est acceptée. وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ 20 دِرْهَمًا أَوْ شَتَيْنِ. Et en compensation de cela, qui doit lui donner 2 brebis ou 20 dirhams? C'est celui qui a été envoyé par l'État. Celui qui a été envoyé par l'État doit donner l'équivalent, se doit donner 2 brebis ou bien alors 20 dirhams en compensation, car cette personne a donné une chamelle de 4 ans alors qu'il devait en donner une de 3 ans. طيب ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطي شاتين أو 20 درهما. Et celui qui doit donner en aumône une chamelle de 3 ans, al-hiqqa, mais qui n'a en sa possession qu'une chamelle de 2 ans. Une chamelle de 2 ans, qui doit, la zakat, une personne doit donner en zakat une chamelle de 2 ans lorsqu'il a en sa possession combien? Entre 36 et 45. Donc celui qui doit donner normalement une zakat, une chamelle de 3 ans mais n'a qu'une chamelle de 2 ans, donne la chamelle de 2 ans et rajoute en compensation 2 brebis ou 20 dirhams. Pareil, وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتُ لَبُونَ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ. Et celui qui doit donner en zakat une chamelle de 2 ans mais n'a en sa possession qu'une chamelle de 3 ans, cette chamelle de 3 ans est acceptée de lui et doit lui donner, celui qui prend la zakat, il doit lui donner 20 dirhams ou bien alors 2 brebis. وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ فَإِنَّهُ تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ مَخَاضٍ وَيُعْتِي 20 دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ. Et celui qui doit donner une chamelle de 2 ans en zakat, mais n'a en sa possession qu'une chamelle de 1 an, il doit donner la chamelle de 1 an plus 20 dirhams ou bien alors 2 brebis. C'est clair ou pas? C'est clair? Taïb. Zakat al-Baqar. Donc là, on a terminé avec la zakat des chameaux. Et c'est la plus difficile des zakats. C'est là où il y a le plus de calculs, le plus de difficultés, tout simplement car un chameau, c'est un animal qui coûte très cher. C'est un animal qui coûte très cher et qui est précieux, qui est beaucoup plus important que les autres bestiaux comme les vaches, les brebis ou autres. Zakat al-Baqar, la zakat des vaches. النصاب ومقدار الواجب. Quel est le nisab, le seuil, ainsi que les quantités à donner concernant la zakat des vaches. عن معاذ بن جبل قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأمرني أن آخذ من البقر من كل 40 مسنة ومن كل 30 تبيعا أو تبيعة. حديث صحيح رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه. Selon Mu'ad ibn Jabal, radiallahu anhu, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a envoyé au Yémen. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Mu'ad ibn Jabal, qui était un des savants parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a envoyé au Yémen, car c'était un peuple chrétien, afin qu'il les appelle à l'islam. Et parmi les recommandations que lui a donné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, et il m'a ordonné de prendre sur les vaches, c'est-à-dire de prendre la zakat sur les vaches, pour chaque 40, une moussinna. Pour chaque 40, al-moussinna. Et al-moussinna, c'est une vache, donc c'est une femelle, âgée de 2 ans. Âgée de 2 ans. وَمِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَهُ. Et pour chaque trentaine, de donner en zakat, tabi'an ou tabi'ah, c'est-à-dire une vache de un an. Une vache de un an. Ou un veau de un an. Là, le professeur sallam a donné le choix entre une femelle ou un mâle. Tabi'an, qui est un mâle de un an, et tabi'ah, qui est une femelle de un an. طيب, quel est le nisab dans ce hadith? Quel est le seuil minimum dans le hadith? 30. Le nisab, c'est 30, car c'est le plus petit nombre qui a été cité dans ce hadith. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, pour chaque 40, tu dois donner une moussinna. Il n'a pas dit moussinna ou moussinna, moussinna ou moussinna. Il a dit moussinna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas donné, lorsque tu as 40 vaches, de choix entre une femelle ou un mâle. Tu dois donner une femelle de 2 ans. Et lorsque tu en as 30, c'est-à-dire le minimum, tu dois donner, tu as alors le choix entre un mâle ou une femelle de 1 an. Donc lorsque tu as 130 vaches, combien dois-tu donner de zakat ? Hein? 3 de 2 ans. De 2 ans. Ça fait combien? Ça fait 120. 2 de 2 ans et 2, ça fait combien? 120. J'ai 130 vaches. Je dois donner pour chaque quarantaine une vache, une femelle de 2 ans et pour chaque trentaine de 1 an. Non? 3 de 1 an, ça fait 90. 90. Donc tu as dit 3 de 1 an, donc ça fait 3 fois 30, donc 90, plus 1 de 2 ans, ce qui fait 40. 90 plus 40, ça fait 130. C'est bon ? Et ainsi de suite, pour chaque quarantaine, une vache de 2 ans, et pour chaque trentaine, une vache, une femelle ou un mâle de 1 an. Tayyib, zakat ul ghanam. Maintenant, la zakat des ovins. La zakat des ovins qui comprend les moutons, les brebis, les chèvres et les boucs. Tayyib, an-nisab wa miqdar ul wajib. النصاب ومقدار الواجب. Quel est le seuil concernant la zakat des ovins ainsi que la quantité à donner? عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 شاتان فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة واحدة أو واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. حديث صحيح رواه ابن ماجه والدارقطني والبيهقي أو حديث كما سبق في البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. selon Anas ibn Malik, que Abu Bakr رضي الله عنه, lorsqu'il l'a envoyé à Bahreïn, lui a écrit l'obligation de la zakat qui a été ordonnée par Allah à son envoyé sallallahu alayhi wa sallam. Et dans la zakat des ovins fi sa'imatiha. Fi sa'imatiha, on avait déjà expliqué ce terme. Sa'im. Qu'est-ce que ça veut dire sa'im? Une brebis qui est sa'ima, c'est-à-dire c'est une brebis qui... Elle mange le pâturage qui est arrosé par le lapis. Non, elle mange du pâturage naturel. D'accord? Elle mange d'un pâturage dont l'herbe, Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui l'a fait pousser. D'accord? Autrement dit, qu'elle n'est pas nourrie par son propriétaire. Qu'elle n'est pas nourrie par les propres moyens du propriétaire. D'accord? Si une personne ou un fermier est obligé d'acheter du foin pour nourrir ses bestiaux, est-ce qu'elles sont considérées comme étant sa'ima? Non. Est-ce qu'il doit sortir la zakat sur ses bestiaux? Oui ou non? Non. Car parmi les conditions, on va le voir après, pour sortir la zakat des bestiaux, c'est qu'elle mange d'un pâturage libre. D'accord? Qu'elle ne soit pas nourrie par leur propriétaire. Donc, dans les ovins qui sont sa'im, c'est-à-dire qui mangent d'un pâturage, إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِئَةٍ, lorsqu'elles atteignent 40 jusqu'à 120 شَاتٌ, tu dois donner une brebis. Lorsque tu as de 40 à 120 moutons, tu dois donner une brebis en zakat. Donc le nisab est de... Et de 40. Car le professeur Hassan a commencé par 40. Celui qui en a 39, la zakat n'est pas obligatoire pour lui. فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشِينَ وَمِئَةٍ إِلَى مِئَتَيْنِ شَاتَانِ. Et celui qui en a 121 jusqu'à 200, il doit donner deux brebis. Il doit donner deux brebis. فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِئَتَيْنِ إِلَى ثَلَاثُ مِئَةٍ فَفِيهَا ثَلَاثٍ. Et lorsqu'il en a de 201 à 300, il doit donner 3 brebis. فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثُ مِئَةٍ. Et lorsqu'il en a plus que 300, فَفِي كُلِّ مِئَةٍ شَاتٍ. Pour chaque centaine, il y a une brebis. De 40 à 120, une brebis. De 121 à 200, deux brebis. De 201 à 300, trois brebis. Et au-dessus de 300, pour chaque centaine, une brebis. Taïb, celui qui en a 399, combien est-ce qu'il doit donner de zakat? Celui qui a 399. Comment t'as compté 4? Plus de 300 pour chaque centaine, on a une brebis. Donc pour plus de 300, pour chaque centaine, j'ai une brebis. J'ai dit 399. Il y a combien de centaines dans 399? Il y a combien de centaines dans 399? 3, donc il y a 3 brebis. Lorsque tu en as 301, c'est une autre façon de calculer. Ensuite, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاتًا وَاحِدًا. Et lorsque l'homme ou la personne a moins de 40, c'est-à-dire on a 39, à 40 moins 1, c'est-à-dire 39, فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ, il n'est pas obligatoire pour lui de donner la zakat, إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا, sauf si le propriétaire le souhaite. Celui qui en a 39, mais malgré que la zakat ne soit pas obligatoire pour lui, désire donner une aumône, est-ce qu'il a le droit? Oui. Et combien est-ce qu'il donne? Autant qu'il veut. Celui qui veut donner, il donne autant qu'il veut, car c'est pour lui une chose surérogatoire, c'est un bien en plus qu'il apporte. طيب شروط وجوب الزكاة في المواشي. Donc sur tous les la zakat des bestiaux, il y a des conditions. Il y en a trois. شروط وجوب الزكاة في المواشي. Les trois conditions. La première, النصاب وهو واضح في الأحاديث السابقة. La première condition, c'est d'atteindre le seuil. Et la preuve, c'est tous les hadiths qu'on a cités. Pour chaque catégorie de biens que l'on a cités dans lesquels on doit sortir la zakat, il y a pour chaque catégorie un nisab, un seuil bien défini. Pour l'or, c'est combien le nisab? 85 grammes. Pour l'argent, 595. Pour les cultures, combien? 612. Et pour les chameaux, 5. Pour les vaches, combien? 30. Et pour les ovins et les bovins, pour les ovins à foin, pour les brebis, etc., c'est 40. Donc pour chaque catégorie, il y a un nisab bien défini. أن يحول عليها ثانيا أن يحول عليها الحول لقوله صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. Et la deuxième condition, c'est que ces biens aient été en la possession de la personne pendant un an révolu. La preuve est le hadith du prophète صلى الله عليه وسلم lorsqu'il dit il n'y a pas de zakat dans un bien jusqu'à ce qu'il ait fait un an, jusqu'à ce que, autrement dit, la personne l'ait eu en sa possession pendant au minimum un an. Donc ça, c'est la deuxième condition. Et cette deuxième condition, est-ce qu'elle est valable sur tous les types de biens? Sauf les récoltes d'Ahsant. Car on avait dit que pour les récoltes, pour les cultures, la zakat devait être donnée le jour de la récolte. La preuve est... Quelle est la preuve? وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ. Et donner son droit, c'est-à-dire la zakat, يَوْمَ حَصَادِهِ, le jour de la récolte. Le jour de la récolte. Donc, pour celui qui est agriculteur, qui a un champ de blé, il doit donner la zakat de sa récolte le jour où il moissonne, le jour où il récupère le blé. Il pèse la quantité qu'il a et donne en fonction de la façon dont a été arrosé son champ. Si c'est lui-même qui l'a arrosé, il doit donner 5%. Et si son champ a été arrosé par la pluie ou par une rivière, il doit donner 10%. طيب ثالثا أن تكون سائمة أي راعية في الكلاء المباح أكثر العام لقوله صلى الله عليه وسلم في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 وعشرين إلا كانت إذا كانت 40 إلى 20 ومئة شاة وقوله صلى الله عليه وسلم وفي كل إبل سائمة في كل 40 ابنة لبون. Et la troisième condition, et ceci est propre aux bestiaux, c'est qu'elles doivent être sa'imah. Et sa'im, c'est-à-dire celle qui est dans son, celle qui se nourrit fil kala il mubah, dans un pâturage libre. Dans un pâturage libre. Et ceci, aktharul am, la plupart du temps. Autrement dit, si un fermier donne à nourrir à ses bêtes pendant 3 mois, et que pendant 9 mois, ses bêtes mangent du pâturage, est-ce qu'il doit donner la zakat ou pas? Oui, parce que la plupart du temps, ils ont été nourris du pâturage. D'accord? Et si il les a nourris 6 mois, et se sont nourries, elles, du pâturage pendant 6 mois. Est-ce qu'il doit sortir la zakat ou pas? Non. Pourquoi? C'est pas la plupart du temps, c'est... Car elles n'ont pas mangé du pâturage libre la plupart du temps. C'est clair? Taïb. Et la preuve, c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit « Sadaqatul ghanam fi sa'imatiha » La zakat des ovins qui mange du pâturage libre, fissa et matiha. Et concernant le second hadith, qui est aussi une preuve, c'est le hadith du professeur Sam lorsqu'il dit, pour chaque chameau, سائم في كل إبل سائمة. Pour chaque chamelle qui est سائمة, c'est-à-dire qui mange du pâturage libre. Pour chaque quarantaine, on doit sortir. Pour chaque quarantaine, on doit sortir Ibnatu Laboun, qui est une chamelle de 2 ans. Taïb. Ma la yu'khadu fi zakat. Ce qui ne doit pas être pris dans la zakat. Car on a bien dit, lorsque on avait donné la définition de la zakat, c'est une quantité bien précise d'un bien bien précis qui doit être donné à des personnes bien précises. Donc là, quels sont les types de biens qui ne doivent pas être pris pour la zakat? عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معادا إلى على اليمن قال وإياك وكرائم أموالهم. Lorsque, selon Abdullah ibn Abbas, il dit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Mu'ad ibn Jabal au Yémen, il lui a dit, Iyaka wa kara'ima amwalihim. Et fais attention à leurs biens précieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Mu'ad, fais attention à leurs biens précieux. Autrement dit, qu'est-ce qu'un bien précieux ? C'est-à-dire que celui qui a été envoyé par l'État pour récupérer la zakat, il arrive devant un troupeau de 60 moutons. Combien de zakat il y a? Combien? Une brebis ou deux? Il en a 60. 60, c'est compris entre eux 40 et 120, et entre 40 et 120, la zakat est de une brebis. Il voit dans le troupeau la meilleure des brebis. Celle qui est le plus en forme. Celle qui est la plus aimée de ce berger. Il dit, je te prends celle-ci. Comment est-ce qu'il va réagir? Il va mal le prendre. C'est une bête qui lui est chère. Il ne relie pas le fait de donner la zakat. Il veut donner une brebis. Mais cette brebis, elle est précieuse à ses yeux, elle est chère à ses yeux. Le Moussaddiq ne doit pas prendre les biens précieux des gens. Le prophète sallam a dit à Mu'ad ibn Jabal, Iyaka wa kara'ima amwalihim. Pareil pour les chameaux. Pareil pour les vaches. D'accord? De prendre une bête qui remplit les conditions et de laisser la bête qui est chère à son propriétaire, le laisser à ce propriétaire. Taïb. Donc ça, c'est le premier type de bien qui ne doit pas être pris pour la zakat. Et ensuite, il y a l'opposé qui est dans ce hadith, le hadith de Anas ibn Malik radiallahu an, toujours ce que lui a écrit Abu Bakr radiallahu an. وعن أنس أن أبا بكر كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم لا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق. حديث صحيح كما سبق. Et l'autre type de bien qui ne doit pas être pris, ce qu'a dit le prophète صلى الله عليه وسلم, et ne doit pas être donné en zakat, harimah. Al-harimah, c'est la bête qui est vieille au point d'en avoir perdu ses dents. Celle-là ne doit pas être donnée en zakat. Une bête qui est vieille et qui a perdu ses dents, elle n'est plus d'utilité. Wala zatu awar, ni celle qui est borne. Ni celle qui est borne. Wala tais, ni at-tais. Et at-tais en arabe, c'est le bouc qui est vieux. C'est le bouc qui est vieux car sa viande est difficilement consommable. Sa viande est difficilement consommable. Et le bouc, certains savants disent même qu'il ne doit pas être pris en zakat, car même s'il est en bonne forme, il servira au berger pour la reproduction. Le berger en aura besoin pour la reproduction et pour que son troupeau s'agrandisse. Donc, celui qui prend la zakat doit éviter de prendre le bouc. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Illa ma sha' al-musaddiq » sauf ce que le musaddiq veut prendre. Sauf si celui qui a été envoyé par l'État accepte de prendre, pour des circonstances bien précises, accepte de prendre telle ou telle bête qui est malade, qui est vieille, qui est âgée ou qui est borne, etc. Illa ma sha' al-musaddiq, sauf ce que celui qui est venu récupérer la zakat décide de prendre ou accepte de prendre. C'est clair ou pas? طيب حكم الخلطة, le jugement du mélange. إذا اختلط اثنان فأكثر من أهل الزكاة ولم يتميز مال أحدهما عن مال الآخر فإنهما يزكيان زكاة واحد زكاة الواحد إذا وجبت عليهما الزكاة. Lorsque deux personnes ont chacun en leur possession un troupeau et que les deux troupeaux se sont mélangés et mangent du même pâturage. وَلَمْ يَتَمَيَّزْ مَالُ أَحَدِهِمَا عَنْ مَالِ الْآخَرِ, de telle sorte que les biens de l'un ne sont pas distingués du bien de l'autre, c'est-à-dire qu'ils mangent dans le même pâturage sans qu'il n'y ait de cloison, sans qu'il n'y ait de séparation, sans pouvoir dire ces bêtes-là sont à lui, ces bêtes-là sont à lui. Tout est mélangé. فَإِنَّهُمَا يُزَكِّيَانِ زَكَاةَ الْوَاحِدِ. Pour ce type de troupeau mélangé, lors de la zakat, il donne la zakat d'une personne. إِذَا وَجَبَتْ عَلَيْهِمَا الزَّكَاةَ. Bien sûr, si la zakat est pour eux obligatoire. Autrement dit, si la quantité ahsante de bêtes qu'ils ont a atteint le nisab. La preuve. عن أنس أن أبا بكر كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية. حديث متفق عليه. La preuve toujours dans ce qu'a écrit Abu Bakr radiallahu anhu à Anas ibn Malik radiallahu anhu, et il figure وَلَا يُجْمَعْ بَيْنَ مُفْتَرِقْ بَيْنَ مُتَفَرِّقْ وَلَا يُفَرَّقْ بَيْنَ مُجْتَمِعْ خَشْيَةَ الصَّدَقَةَ. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit et on ne doit pas rassembler deux types de biens, comme on avait dit la dernière fois, qui sont différents. وَلَا يُفَرَّقْ بَيْنَ مُجْتَمِعْ, et on ne doit pas séparer deux choses identiques. خَشْيَةَ الصَّدَقَةَ, de peur de donner la zakat. Qu'est-ce que ça veut dire séparer deux choses identiques et rassembler deux choses différentes de peur de la sadaqa? Comment cela peut être possible? Le professeur Hassan m'a dit la yujma' bayna mutafarriq. On ne doit pas rassembler deux choses différentes. Autrement dit, si toi, tu as en ta possession 40 brebis, tu en as 20 dans une ville et 20 dans une autre, est-ce que ces brebis sont assemblées ou est-ce qu'elles sont séparées? Elles sont séparées. Ou plutôt, on va prendre un autre exemple. Lorsque tu en as 40 de chaque, tu as 40 brebis dans une ville et tu en as 40 autres dans une autre. D'accord? Ce sont deux troupeaux bien distincts, bien différents. Et en islam, comme on a vu, à partir du moment où tu as 40 brebis, tu dois donner en zakat une brebis. Donc autrement dit, cette personne qui a deux troupeaux différents, chaque troupeau étant composé de 40, combien est-ce qu'il doit donner ? Deux brebis. Une pour chaque quarantaine. D'accord ? Mais cette personne dit non, moi j'ai pas envie de donner deux brebis en zakat. Je vais en donner qu'une. Et comment je vais faire ? Je vais les rassembler. Il va prendre les deux quarantaines, ça lui fera en tout 80. Et la zakat pour 80 brebis, elle est de 1, car 80 c'est compris entre 40 et 120. Vous voyez, c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Khashyata as-sadaqa » de peur de donner la zakat. Et ceci, même si la personne le fait, n'autorise pas son acte. Celui qui fait ça, et même s'il a ses 80 brebis, il doit donner 2 brebis en zakat. Car ce sont deux troupeaux bien différents, bien séparés. D'accord ? Et l'inverse aussi. Il est interdit de séparer khashyata as-sadaqa. De même qu'il est interdit de séparer de peur de donner la zakat. Celui qui a un troupeau de 40 moutons, il dit non, non, non, moi je ne donne pas la zakat. Je vais mettre 20 dans telle ville et 20 dans l'autre. Au résultat, il aura deux troupeaux de 2 fois 20. Or, le nisab pour les brebis, c'est de 40. Donc, au final, combien de brebis il donne ? Zéro. Donc, il a séparé de peur de donner la zakat. Et ceci est interdit en islam. Ceci est interdit en islam. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « وَمَا كَانَ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ » Et ce qui est mélangé, chacun doit donner sa part juste. Chacun doit donner sa part juste. Autrement dit, deux personnes, il y a deux types de... deux types d'associations autorisées concernant les bêtes. Deux personnes peuvent être associées sur un troupeau. D'accord ? Par exemple, l'un a 40 brebis, l'autre a 20. D'accord ? Sur le troupeau, il y a une personne, un des associés, qui a les deux tiers, et l'autre qui a un tiers. Ceci est autorisé en islam ou pas ? C'est autorisé. D'accord ? Et pour ce troupeau de 60, il y a une seule zakat à donner. C'est une brebis. Mais le professeur Hassan m'a dit, « فَإِنَّهُمَا يَتَرَجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ » Mais chacun doit donner sa part respective. C'est-à-dire celui qui a les deux tiers du troupeau doit donner les deux tiers d'une brebis, l'équivalent des deux tiers d'une brebis. Et celui qui a en sa possession 20 brebis, c'est autrement dit le tiers, doit donner un tiers de la brebis. D'accord ? Donc ça, c'est un type d'association qui est autorisé. Il y a aussi un autre type d'association qui est autorisé. C'est le fait que chacun a sa part, mais que les deux troupeaux mangent du même pâturage et boivent de la même eau. Ils sont considérés comme étant associés, même si chacun a son bien à lui, sans être associé sur l'ensemble. Vous avez compris ? Si l'un a 40, l'autre a 40, mais c'est le même pâturage. Ces 80 brebis mangent du même pâturage, boivent de la même eau. En islam, c'est considéré comme al-khulta, comme un mélange. Et lors de la zakat, ils doivent donner la zakat d'une brebis et chacun se sépare la moitié, l'un ayant 40, l'autre ayant l'autre quarantaine. Ça, c'est une association qui est autorisée en islam. D'accord ? Ce n'est pas comme la même personne qui a deux troupeaux séparés et qui les rassemblent pour se sauver de la zakat. C'est clair ou pas ? طيب رابعا زكاة الركاز. Quatrième type de zakat, c'est la zakat du rikaz. Al-rikaz, dafnul jahiliya, alladhi yu'khadu min ghayri an yutlaba bimal, wala yatakallafu lahu kathiru amal. Qu'est-ce que al-rikaz, la définition de rikaz, c'est ce qui est enterré, ce qui a été enterré, les trésors qui ont été enterrés avant l'arrivée de l'islam et qui est pris, c'est-à-dire qui est extrait de la terre sans qu'on nous demande de compensation financière ou sans que cela ne demande beaucoup de travail. D'accord ? Autrement dit, celui qui a trouvé un trésor qui a été enterré avant l'arrivée de l'islam dans une terre, mais que le propriétaire de la terre dit, moi tu me donnes 50 000 euros, tu me donnes 50 000 euros et tu prends ce qu'il y a dedans. Est-ce qu'il y a une zakat ou pas? Non. Min ghayri an yutlaba bimal, sans que une compensation ne lui soit demandée. Ou celui qui a trouvé un trésor enterré avant l'arrivée de l'islam mais qui a besoin d'une grue ou d'un tracteur ou autre pour pouvoir creuser le sol. Ça lui demande des efforts considérables. Est-ce que il devra donner la zakat sur ce qu'il aura extrait? Non. Car ça lui aura demandé beaucoup d'efforts. La zakat sur al-rikaz, sur les trésors enterrés avant l'arrivée de l'islam, doit être donnée pour celui qui l'extrait sans que de l'argent ne lui soit demandé ou sans qu'il ne fournisse beaucoup d'efforts pour l'extraire. Alors, tayyib. Et la zakat sur al-rikaz, elle est de, on avait déjà parlé de ça, de combien? De 1/5. De 1/5. Comment reconnaître des trésors enterrés avant l'arrivée de l'islam? Par exemple, si dans un pays musulman, tu retrouves des bijoux enterrés qui sont recouverts de croix, est-ce que ce bijou appartenait à un musulman ou pas? Non. Non. Donc tu sais, à travers ce signe que tu as vu dans ce bijou, que ce bijou ne pouvait appartenir qu'à un chrétien dans une terre d'islam. Autrement dit, que ceci a été enterré avant l'islam. Ou bien que tu retrouves des ustensiles, des verres ou autres en or, mais ce sont des verres qui sont utilisés que pour boire de l'alcool, que pour boire du vin. Tu en déduis que voilà. Ou bien que tu retrouves des pièces de monnaie qui ne sont utilisées que dans des pays non musulmans. Tu en déduis que ces pièces ont été enterrées avant l'arrivée de l'islam, etc. Et lorsque tu trouves un bien, mais qu'il n'y a aucun signe qui te permet de dire que ceci a été enterré avant l'islam, qu'est-ce que tu fais? Ceci est considéré comme... Non, c'est considéré comme un objet trouvé. Et les objets trouvés, al-luqata en arabe, il y a des règles bien précises. Vous les connaissez ou pas? Quelles sont les règles des objets trouvés? Au bout d'un an, il t'appartient. Au bout d'un an, cette personne n'a rien fait. 3 jours. Tout d'abord, il faut différencier. Il y a deux sortes d'endroits où tu peux trouver cet objet. Soit tu trouves un objet trouvé dans un endroit habité, fi ardin maskuna, comme cela est rapporté dans Sahih al-Bukhari, dans une terre habitée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit fa'arrifuhu, annonce cette trouvaille, essaie de trouver le propriétaire. Et si tu trouves cet objet dans une terre qui n'est pas habitée, le professeur Sam m'a dit Fafihi wa fi rikaz al khums. Dans ce que tu as trouvé et dans rikaz, c'est-à-dire les trésors enterrés avant l'arrivée de l'islam, al khums, tu dois donner le cinquième. D'accord? Autrement dit, si tu trouves 100 000 euros en plein milieu d'une forêt, qu'est-ce que tu fais? La forêt, elle est habitée ou pas? Non. Tu dois donner un cinquième de cette somme. Et le reste est à toi. Et le reste est à toi. Mais lorsque tu as trouvé 100 000 euros dans une ville, là, c'est autre chose. Là, c'est tout autre chose. Tout d'abord, il faut annoncer. Certains savants disent qu'il faut l'annoncer tous les jours pendant une semaine. Puis, qu'il faut l'annoncer chaque semaine pendant un mois. Et ensuite, qu'il faut l'annoncer un mois. Et il faut l'annoncer une fois chaque mois pendant un an. Et une fois les un an dépassés, malgré tes efforts, et lorsque tu annonces, il y a une façon d'annoncer. Tu dois annoncer la nature de l'objet sans donner de description. Ça ne sert à rien de dire j'ai trouvé 100 000 euros avec 100 billets de 500, etc. Et en donnant tous les détails, là tu peux être sûr que tout le monde le lendemain vont venir te dire j'ai perdu telle somme avec tant de billets. Non, dis j'ai perdu de l'argent. Tu dois dire la nature de la chose. Plutôt j'ai trouvé de l'argent. Ou bien j'ai trouvé une montre. Ou bien j'ai trouvé un bijou, une bague, etc. Sans donner de description. Et lorsque la personne qui est susceptible de l'avoir perdu vient, alors demande-lui les détails. C'est toi qui as perdu de l'argent? Oui. Combien t'as perdu? J'ai perdu 100 000 euros. Est-ce que tu pourrais me dire combien de billets il y avait? Oui, je peux te dire combien de billets il y avait. Là, tu sais que c'est bien cette personne qui a perdu cet argent et tu lui rends son bien. Taïb, si le fait d'annoncer cette trouvaille te coûte de l'argent, les frais sont pour qui? Est-ce qu'ils sont pour celui qui annonce ou est-ce qu'ils sont pour le propriétaire? Il y a un khilaf des savants. Des savants qui disent c'est aux frais de celui qui annonce. Car le professeur Hassan a dit fa'arrifhu, annonce-le, un ordre. Et d'autres savants disent non. Le professeur Hassan me dit annonce-le, mais il annonce pour qui? Pour le propriétaire. Donc c'est lui qui en est le responsable. Et lorsque il sera retrouvé, et si des frais ont été payés pour l'annonce, etc., alors ils devront être déduits de l'objet trouvé ou le propriétaire en donne la compensation. Taïb. Ensuite, après un an, cet argent est la propriété de celui qui l'a trouvé. Après un an, après avoir fait tout le possible pour annoncer et utiliser tous les moyens en sa possibilité pour annoncer, c'est la propriété de la personne. Sauf si le propriétaire est retrouvé par la suite, alors l'argent doit lui être restitué. S'il revient au bout de 10 ans et qu'il demande son bien, tu dois lui donner son bien. Et avant les 1 an, il n'est pas autorisé d'utiliser ce bien. Sauf dans des cas bien précis. Par exemple, t'as trouvé une tonne de pastèques. Tu vas attendre un an pour les rendre à son propriétaire. Ça sert à rien. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les vendre. Vendre ces pastèques et garder l'argent équivalent. Donc là, c'est un cas précis où des cas, il n'y a pas que celui-ci, on peut en dire plusieurs, Mais c'est des cas où il est autorisé à la personne de, d'utiliser ce bien pour le bien du bien. C'est clair ? Non. Question par rapport aux, aux objets trouvés, en fait. Si on dit ça, par exemple, dans un pays, normalement, l'objet trouvé, il appartient pas au pays, non ? Parce que là, je parle de la forêt et de la ville. Mm-hmm. Des fois, généralement, la, ville, la forêt, elle appartient à la ville ou la ville. Ouais, après, tout dépend. C'est-à-dire, quand je dis un endroit habité, et quand c'est une forêt loin de toute habitation. Parce que tu peux très bien trouver un objet dans une route entre deux villes. Des fois, ça appartient à l'État, tu vois. Des fois, la forêt, elle appartient à l'État. Et allez, concernant le fait de dire la terre appartient à l'État, en islam, ce n'est pas vrai. En islam, ce n'est pas vrai. Car le professeur Hassan m'a dit dans un hadith authentique, Al-ardu ardullah, la terre, c'est la terre d'Allah. Wa man ahya fiha ardun mawta. Et le prophète Hassan m'a dit, et celui qui fait revivre une terre morte, elle lui appartient. Celui qui fait revivre une terre morte, elle lui appartient. Qu'est-ce que ça veut dire faire revivre une terre morte? Est-ce que ça veut dire l'arroser? Non. Non, ça ne veut pas dire ça. Faire revivre une terre morte, c'est-à-dire trouver quelque chose dans cette terre qui va la faire revivre. Trouver par exemple de l'or, trouver de l'argent, trouver un métal précieux, trouver de l'eau pour en faire un puits. Ces trouvailles-là vont faire revivre cette terre qui était auparavant morte. Et le prophète sallam a dit فَإِنَّهَا لَهُ, elle lui appartient. Et en islam, normalement c'est comme ça que ça doit se faire. Il n'y a pas de terre qui appartient à l'État. En islam, ça n'existe pas. Une personne qui a fait revivre une terre, elle lui appartient. D'accord ? Après, si c'est l'État qui a fait revivre cette terre, ça appartient à l'État. C'est clair ? Taïb. Et celui qui perd un objet trouvé, c'est de la responsabilité de qui ? Tout le monde sait. C'est de la responsabilité de celui qui l'a pris. Si tu as trouvé 10 000 euros et que tu les as perdus, et que le propriétaire les réclame, c'est de ta responsabilité à toi. Et tu dois lui rendre. Donc l'objet trouvé est de la responsabilité de celui qui l'a trouvé. Non. Est-ce que c'était considéré comme une amana, enfin, le monde où on l'a trouvé? Bien sûr, c'est une amana. C'est une amana que tu n'as pas le droit d'utiliser avant un an. Non. Donc, tout ça pour revenir à Rekaz, lorsque ce que tu as trouvé n'a pas de signe distinctif, de signe qui permet de le reconnaître et de savoir que c'est un trésor qui a été enterré avant l'islam, alors c'est considéré comme un objet trouvé qui a des jugements ou auquel il y a des jugements sont attachés. وتجب فيه الزكاة على الفور من غير اشتراط حول ولا نصاب لعموم قوله صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس. Il est obligatoire de donner la zakat sur le champ sans donner comme condition de l'avoir en sa possession pendant un an, ni de donner comme condition le fait d'atteindre un seuil. Et ceci, la preuve est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit « Et dans Al-Rikaz, le cinquième. » Et dans Al-Rikaz, le cinquième. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le rikaz, c'est-à-dire les trésors enterrés avant l'apparition de l'islam, il y a le cinquième. Il y a le cinquième, c'est-à-dire dans tous les trésors. Quelle que soit la nature. Quelle que soit la nature de ces trésors, tu dois donner le cinquième sur le champ, sans attendre ni un an, ni de seuil. Si tu trouves 2 grammes d'or, tu dois donner un cinquième de 2 grammes d'or. Là, il n'y a plus de nisab, il n'y a plus de 85 grammes qui entrent en compte. Si par exemple on trouve de l'or sur la route, enfin sur la rue, et qu'on la donne à un jama, pour qu'il. moi j'ai trouvé de l'or, j'ai donné à Jamal et j'ai dit de faire l'appel quoi. Mais après je ne suis pas. Ah, tu parles de l'objet trouvé? Ouais, j'ai donné au Jamal pour qu'il fasse l'appel. Après, c'est de la responsabilité. Si toi tu l'as donné, c'est de la responsabilité à eux. Tu leur as dit de faire l'appel? Ouais, j'ai dit où je l'ai trouvé. Tu l'as donné où? Jamal qui était juste à côté. En fait. À la mosquée? Ouais. Taïb, est-ce qu'il est autorisé d'annoncer un objet perdu dans une mosquée? Non. Non. Il est interdit. Dans les hadiths authentiques, un homme est venu à la mosquée pour demander si quelqu'un avait vu sa chamelle qui était perdue. Et qu'est-ce que le professeur Hassan m'a dit? La raddaha Allahu lak. Qu'Allah ne te la rende pas. Ma bunyat al-masajid li hada. Ou comme a dit le professeur Hassan, les mosquées n'ont pas été construites pour cela. Les mosquées n'ont pas été construites pour annoncer que tel ou tel objet est perdu. Les mosquées, elles ont été construites pour adorer Allah et pour le glorifier, etc., etc. En aucun cas, elles n'ont été construites pour annoncer que si quelqu'un a vu telle ou telle chose. Non. Si quelqu'un entre dans la mosquée et dit que quelqu'un aurait vu telle ou telle chose que j'ai perdue, de lui dire que qu'Allah ne te la rende pas. De le dire, bien sûr, avec sagesse. Et de lui faire comprendre que la mosquée, ce n'est pas un endroit où on annonce de telles choses, mais c'est un endroit où on adore Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Et si on trouve la chose dans la mosquée? Et si on trouve la chose dans la mosquée, il faut l'annoncer en dehors de la mosquée. Si on trouve la chose dans la mosquée, il faut l'annoncer en dehors de la mosquée. En aucun cas, annoncer une chose perdue dans la mosquée. Non. Non. Si tu l'as perdue à la mosquée, comment tu vas faire pour... Tu sais que tu as perdu quelque chose à la mosquée. Tu demandes. En dehors de la mosquée. Tu attends que les gens sortent, tu te mets à la porte, et tous ceux qui sortent, tu leur demandes, est-ce que tu n'as pas vu ça? Est-ce que tu n'as pas vu ça? Et si quelqu'un vraiment l'a trouvé, tu le sauras. Mais au moins, ces choses-là ont été demandées à l'extérieur de la mosquée et non à l'intérieur. Wallahu a'lam. Masarif al-zakat. Maintenant, après avoir vu les biens dans lesquels on doit sortir la zakat, après avoir vu les nisab, le seuil de chacun de ces biens, et après avoir vu la quantité à donner pour chacun de ces biens, il est maintenant vers qui ou à qui donner cette zakat. Masarif al-zakat. Envers qui la zakat doit être dépensée. قال الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. الله سبحانه وتعالى dit les صدقات, c'est-à-dire les zakat, ne sont destinées que pour les pauvres. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit innama, et en arabe innama tufidu al-hasr, c'est-à-dire que la zakat doit être donnée à ceux qui vont être cités et uniquement à ceux qui vont être cités. Tous ceux qui ne sont pas cités dans ce verset, la zakat ne doit pas leur être donnée. Innama sadaqat, les sadaqat ne sont destinées que pour les pauvres, al-fuqara, ou al-masakin, les nécessiteux, ou al-amilin alayha, ceux qui y travaillent, c'est-à-dire ceux qui y travaillent, ceux qui sont chargés de la récolte ou de tout autre travail en rapport avec la zakat, ou al-amilin alayha, ou al-mu'allafati qulubuhum, et ceux dont les cœurs sont à prendre. Ceux dont les cœurs sont à prendre, ça peut être un non-musulman qui est proche de l'islam. D'accord ? Il est autorisé de lui donner la zakat pour que son cœur s'attache à l'islam et qu'il embrasse cette religion. Mais ça peut être aussi pour un musulman qui a une foi faible, une foi très fragile. Et il suffit qu'un incident arrive pour que du jour au lendemain, il délaisse l'islam, wal'ayadu billah. Pour ces personnes-là, fragiles, qui débutent dans l'islam, il est autorisé de leur donner de la zakat pour les encourager et pour que leur foi soit raffermie. Wa fi riqab, et l'affranchissement, il est autorisé de payer ou d'utiliser la zakat pour affranchir un esclave. Wa al-gharimin, et ceux qui sont fortement endettés. Ceux qui sont fortement endettés, il est autorisé de leur donner de la zakat pour les aider à rembourser leurs dettes. Wa fi sabilillah, et ceux qui sont dans le sentier d'Allah. Wa ibnis sabil, wa ibnis sabil, et pour le voyageur qui est dans le besoin. Faridatan min Allah, c'est un décret d'Allah. Wallahu alimun hakim, et Allah est le tout savant, le tout sage. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية لما ذكر الله اعتراض المنافقين الجهلة على النبي صلى الله عليه وسلم ولمزه إياه في قسم الصدقات بين الله أنه هو الذي قسمها وبين حكمها وتولى أمرها بنفسه ولم يكل قسمتها إلى أحد غيره فجزأها لهؤلاء المذكورين. Et l'imam Ibn Kathir, rahimahullah, a dit dans l'explication de ce verset, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a cité le fait que les hypocrites ont contredit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car ce verset-là, innama as-sadaqat, c'est un verset présent dans surat At-Tawbah, et dans les versets avant, Allah subhanahu wa ta'ala a cité comment les hypocrites se moquaient du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam concernant la zakat. Et Ibn Kathir rahimahullah a dit, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a cité la, comment dire, l'offense des hypocrites ignorants envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le reproche qu'ils lui ont fait concernant le fait de dispatcher la zakat, Allah subhanahu wa ta'ala a informé que c'est lui qui a fait ce partage et que c'est lui qui a montré le jugement de la zakat, et c'est lui, Allah azza wa jal, qui en prend la responsabilité. وَلَمْ يَكِنْ قِسْمَتَهَا إِلَى أَحَدٍ, et Allah subhanahu wa ta'ala n'a demandé le partage de la zakat à personne, c'est lui-même subhanahu wa ta'ala qui a fait le partage. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a cité ces huit catégories de personnes. On a dit innama as-sadaqat lil fuqara, les pauvres, wa al-masakin, les nécessiteux, wa al-amilin 'alayha, ceux qui y travaillent, wa al-mu'allafati qulubuhum, ceux dont les cœurs sont à prendre. Ensuite, wa al-gharimin wa fi al-riqab, 5, wa fi al-riqab wa al-gharimin wa ibn al-sabil, n'am innama as-sadaqat lil fuqara wal masakin wal 'amilin 'alayha wal mu'allafati qulubuhum, donc ça fait 4. Wa fi al-riqab, pour l'affranchissement, wa al-gharimin, ceux qui sont endettés, wa fi sabilillah, ceux qui sont dans le sentier d'Allah, wa ibn al-sabil, et le voyageur. Donc 8 catégories de personnes, et en aucun cas ne sont 9, elles sont 8, et ce partage des 8 a été fait par Allah subhanahu wa ta'ala. هل يجب استيعاب هذه الاصناف, est-ce qu'il est obligatoire de donner la zakat à l'ensemble de ces catégories? قال ابن كثير رحمه الله وقد اختلف العلماء في هذه الاصناف الثمانيه هل يجب استيعاب الدفع اليها او الى من امكن منها على قولين. الامام ابن كثير رحمه الله a dit, et les savants ont divergé sur ces 8 catégories, est-ce qu'il est obligatoire de donner la zakat à chacune d'elles, ou bien alors de donner à celle dont on a la possibilité, celle à qui on a la possibilité de donner. Il y a deux avis. على قولين احدهما انه يجب ذلك وهو قول الشافعي وجماعه. Le premier avis, c'est que oui, cela est obligatoire, et c'est l'avis de l'imam Shafi'i et d'autres savants. Autrement dit, qu'il considère que tu dois donner la zakat à ces 8 personnes. Donc quand tu as la zakat à donner, tu dois donner une partie fuqara, une partie aux nécessités, etc., etc. أحد والثاني أنه لا يجب استيعابها بل يجوز الدفع إلى واحد منها ويعطي جميع الصدقة مع وجود الباقين. Et le deuxième avis, c'est que non, il n'est pas obligatoire de le donner à chacune de ces catégories, mais il est autorisé de le donner à une de ces catégories et de lui donner la totalité de la zakat, même si les autres sont présents. وهو قول مالك وجماعة من السلف والخلف. Et c'est l'avis de l'imam Malik رضي الله عنه ورحمه et de plusieurs personnes parmi les salaf, منهم parmi eux عمر وحذيفة وابن عباس وابو العالية وسعيد بن جبير وميمون بن مهران وقال ابن جرير وهو قول عامة أهل العلم. Parmi eux عمر بن الخطاب حذيفة بن اليمن عبد الله بن عباس أبو العالية سعيد بن جبير ميمون بن مهران et الإمام بن جرير رحمه الله qui a الإمام بن جرير الطبري qui a le meilleur exégèse du Coran. Le meilleur exégèse du Coran, c'est le tafsir de l'imam al-Tabari. L'imam al-Tabari, c'est sans contestation le meilleur des exégèses du Coran, car il a expliqué, il utilise les athars, les hadiths du prophète sallam et les paroles des compagnons pour expliquer le Coran. Il a dit, Ibn Jarir al-Tabari rahimahullah, et c'est l'avis de la plupart des savants. Et c'est l'avis de l'ensemble des savants. C'est-à-dire qu'il est autorisé de donner la zakat à une partie ou à une catégorie de ces huit, même si les autres sont présentes, il est autorisé de donner la totalité à une seule de ces catégories. المصرف لا لوجوب استيعاب الاعطاء. Et donc le verset nous montre donc les catégories de personnes pour qui il nous est, envers qui il nous est autorisé de donner la zakat, et on ne doit pas comprendre du verset qu'il nous ordonne de donner à chacune de ces catégories. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a voulu dans ce verset nous montrer les différentes voies possibles dans lesquelles la zakat est autorisée. قال ابن كثير ونذكر أحاديث تتعلق بكل من الأصناف الثمانية. Et ensuite l'imam Ibn Kathir a dit, et nous allons citer les hadiths en rapport avec chacune des huit catégories, et ce sera inshallah durant le cours, dans le cours prochain, la semaine prochaine bi'idhnillah. Wa nantafi bi hadha al-qadr. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.